Aujourd'hui à Assemblage requis, Kiwa nous parle des nouveautés musicales qui l'ont allumé. Mathieu nous parle des gadgets qu'il va allumer. Et Simon Fitzbay nous présente ses allumites du rock'n'roll. Ça se dit-tu ça? Je sais pas, mais c'est à Assemblage requis, mardi 15h.